Le secrétariat du Comité pour la réunification pacifique de la patrie a publié le 23 l'information numéro 1106. En voici le résumé. Ces derniers jours, la bande de Pakunai a tenté d'organiser la marche dans la ville de Gwangju par la 11e brigade spéciale parachutiste à l'occasion de la guerre du 25 juin aux véhémentes protestations et critiques de tous les milieux sud-coréens. En fait, cette brigade est tristement renommée pour le meurtre barbare des insurgés du soulèvement populaire de Gwangju perpétré en mai 1980 et d'autres citadins de Gwangju sous la manipulation des États-Unis et sur l'ordre meurtrier de la clique fantoche militaire de Chun Doo-hwan. Il s'agit là d'un affront insupportable à l'égard des participants au soulèvement populaire et des citadins de Gwangju, du défi ouvert lancé à la population sud-coréenne attachée à l'indépendance, à la démocratie et à la réunification, et de la nouvelle provocation politique impardonnable contre nous. La marche dans la ville de Gwangju de la horde des assassins barbares qui avait transformé cette ville en bain de sang est le dévoilement intensif de la tentative de la bande des traîtres de subsister par la folie fasciste et la confrontation fratricide. Sans égard à la vie populaire misérable due à la crise économique et au décalage entre les riches et les pauvres de plus en plus croissant et au grand nombre de chômeurs en Corée du Sud, Pakunai embellit le coup d'état militaire du 16 mai comme révolution de salut national et s'affaire à faire éloge de son père et à ressusciter l'époque rénovée en faisant bruit de la soi-disant continuation du miracle au bord du fleuve Han et du nouveau mouvement Semaul. Si on laisse tel quel Pakunai, il est impossible pour toute la nation de prévenir la reproduction de la deuxième crise de Gwangju et de se débarrasser des catastrophes. Toute la nation coréenne, notamment la population sud-coréenne attachée à l'indépendance, à la démocratie et à la réunification, ne doivent point tolérer la démarche désespérée de la bande de Pakunai en proie au fascisme et l'enrayer résolument par une lutte pan-nationale.